La radiodiffusion télévision française présente... Allô ? La majorité des jeunes, même très jeunes manifestants, n'a pas hésité à brandir le slogan « Liberté ». Liberté à disposer de leur corps. Manifestation passive, aucune prise de parole pour éviter la dispersion, comme la semaine dernière à Beaubourg, à Paris. Pas le moindre policier non plus, pourtant face à un mouvement interdit. Ces jeunes lycéens et étudiants ont un instant mis le joint de côté. Ils ont demandé un véritable débat au niveau national et l'ouverture d'une campagne d'information sur le cannabis et ses dérivés. Ils ont également fait signer une pétition, là encore approuvée par quelques jeunes montpelliérains. Pour eux, le mouvement de libération du cannabis ne doit plus être seulement un mouvement d'idées, mais bien un organisme légal par l'intermédiaire d'une association, loi 1901, à Montpellier. Je vais vous donner lecture du testament de mon client, lequel, reconnu en pleine possession de ses facultés, assisté des témoins ci-dessous désignés, a, par mon ministère, pris les dispositions testamentaires suivantes. À ma brave cousine Germaine, à mon bon oncle, à ma fidèle nièce, à mon vieil ami, à mon érudit cousin, à tous, je recommande... L'écho des Garrigues. Nature ou aux fruits, toujours frais puisque livré tous les jours. L'écho des Garrigues. Suivez cette démonstration réelle. En 15 secondes, supprimez la corvée matinale. L'écho des Garrigues. Simplifiera votre vie. Fabrication solide, présentation élégante et garantie un an. L'écho des Garrigues. Sera demain chez vous, dans les maisons sérieuses. L'écho des Garrigues. Gage de longue vie. 88,5. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, allez, ne me frappe pas. Nama Shivaya. Je crois si c'est 3 ou 4 ou 5 ou 10, ça n'a aucune importance. C'est la tristesse que nous produisons dans notre monde, des minorités qui savent pas vivre ou bien qui n'ont pas une chance de vivre. Et je crois que c'est ça à réfléchir. C'est quoi notre relation entre les êtres humains? C'est quoi un être humain? Ici, c'est une végétation, c'est rien à voir avec une vie où l'être humain peut se transformer, ou peut transformer ses énergies dans quelque chose qui fait plaisir ou bien qui fait un choix. Om Nama Shivaya est le Mahamantra du début des temps que Dieu a donné aux hommes. Tout le monde devrait répéter ce mantra. Le pouvoir de Om Nama Shivaya est infini, éternel et supérieur à la bombe atomique. S'il y a un accident, on serait aux premières loges. Sur des centaines de kilomètres, ça serait terrible, ça n'y aurait plus rien, tout serait rasé. cemetery. Thank you. voisins surveillant leurs voisins. Des technocrates bien éduqués qui, servis par des ordinateurs naturellement dépourvus d'instincts sanguinaires, feront doucement, discrètement, fonctionner la machine à broyer la critique, à stériliser la pensée, à étouffer la liberté, sans cris, sans hurlements de douleur ou de colère. Les groupes terroristes tuent symboliquement, l'État statistiquement. Principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Le télé-encéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le télé-encéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec le doigt, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates. La tomate, contrairement à la baleine, à la poule et au japonais, est un végétal. D'origine organique est tout ce qui un jour a été vivant, sous la forme animale ou végétale. Les tomates, les poules, les porcs, les fleurs et le papier sont d'origine organique. Ce papier, par exemple, a été utilisé pour l'élaboration d'un contrôle d'histoire à l'école Notre-Dame des Douleurs et soumis à l'élève Anne-Louise Nunes, un être humain. Un contrôle d'histoire teste les capacités du téléencéphale d'un être humain de se souvenir des données qui se réfèrent à l'étude de l'histoire. Par exemple, qui fut Gengis Khan? Quelles étaient les deux fleuves de la Mésopotamie? Se souvenir, c'est vivre. Un jour, c'est l'espace de temps que met la planète Terre pour effectuer un tour complet sur son axe. 5 minutes, c'est 300 secondes. Depuis 1958, la seconde est définie comme étant équivalente à 9 192 631 770 cycles de radiation d'un atome de césium. Le césium est une matière non organique. Les maladies nuisent sérieusement au bon fonctionnement des êtres humains. Les maladies nuisent sérieusement. Allô, rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Laissez-moi m'en rappeler, Thérèse. Allô, c'est la famille. Joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, je t'appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteinte de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël. C'est cela, oui. Comment vous appelez-vous? Écoutez, vous qui souhaitez l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. What an empty generation. presents... à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Hello, Teenage America. Que pensez-vous? Quel choix devez-vous faire? Those innocent fun games of the hallucination generation.

Sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Oui, sans doute, comme les autres. Non, tout va bien.